belanga nini yolingi na sala na motemo yanga boboto etoni nyongo a brigette etoni mawa a esoba motuizana belanga nini yolingi na sala na motemo yanga mosantu etoni mawa ezoba etoni nyongo ezoba nini na sala ye Papa lourdeur, pena ba mama lourdeur. Oui, ça va pour la papa lourdeur, ma mama.